Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 9 courant un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Le destinataire a félicité chaleureusement le camarade Kim Jong-un et le peuple coréen ami à l'occasion du 15 avril, journée du soleil, son 5e anniversaire de naissance de l'éternel président Kim Il-sung. Il a noté que les deux pays amis célèbrent cette fête et en même temps livrent la guerre contre l'ambition des puissances qui cherchent à soumettre tous les pays du monde à leur politique expansionniste et dominationniste et à les priver du droit à l'autodétermination. Le destinataire a ajouté que les peuples de deux pays luttent aujourd'hui aussi, comme par le passé, pour le droit à l'autodétermination, la souveraineté nationale, la sécurité et la prospérité de leur pays. Il s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié et de coopération bilatérale, conformément aux intérêts des peuples de deux pays.